بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره مكتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله عز وجل on loue Allah عز وجل nous remercie de ses énormes et nombreux bienfaits. Dans le cours dernier, dans le dernier cours, on a pu prendre une préface qui était relative aux bienfaits qu'il y a dans le fait de s'asseoir fi Allah عز وجل. On a évoqué certains des hadiths qui incitent en cela. وكذلك تذكرا من نعمة الله عز وجل, afin de se rappeler, car les ni'am, elles se renouvellent. ثبت كما عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أجلس مع قوم أو لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل خير لي من إعتاق أربع رقاب. الحديث إليه dans la sunan de Abu Dawud رحمه الله تعالى, et authentifié par Sheikh Muqbil عليه رحمة الله dans son livre الصحيح المسند. Nabi Sallam nous fait part dans ce hadith qu'il préfère s'asseoir avec les gens qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qui le mentionnent, ou c'est plus préférable auprès de lui de faire cela que d'affranchir quatre esclaves. Et qui te dira quel est le mérite d'affranchir quatre esclaves? فَثَبَتَ فِي الْحَدِيثَ الْمُتَّفِقَ عَلَيْهِ أَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهَ بِكُلَّ عَدْوٍ عَدْوٌ مِنْهَا. Celui qui affranchit un esclave, Allah subhanahu wa ta'ala va affranchir chacun de ses membres de l'enfer. Donc ça nous montre le haut statut et les vertus qu'il y a dans le fait de s'asseoir. Le simple fait de s'asseoir avec les gens qui invoquent Allah azza wa jal, que dire de ceux qui sont assidus dans cela. فَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, qu'on se doit de se rappeler afin de le remercier Allah Azza wa Jal, afin que subhanahu wa ta'ala kadhalika nous rajoute du sabbat dans al-majalis, dans le fait de s'asseoir fi Allah Azza wa Jal. Naham. Enfin, on a pu prendre certains des adabs, des comportements et des conditions que l'insan doit observer lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'il le mentionne. Kama kulna hadha al-kitab, il l'a nommé hisnul mu'min, la citadelle du mu'min, la citadelle du mu'min, du croyant. فَتُبْسِ تَدَلَّ لَا دِبُورْتْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ وَأْتُ الْبُيُوتْ مِنْ أَبْوَابِهَا. On se doit de rentrer dans les demeures par leurs portes. فَكَذَلَكَ لَا citadelle, on ne peut pas se permettre et commencer directement à évoquer les hadiths qu'on doit dire, les askar qu'on doit dire matin et soir, sans être rentré par les portes comme qui va nous mener à ce que nos adorations, nos askar, nos invocations soient accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. On se doit de prendre ces portes-là afin de connaître le comportement, afin de connaître la manière, comment invoquer Allah Azza wa Jal comme il aime et il agrée. Le but, c'est pas d'adorer Allah Azza wa Jal comme ceci et comme cela. Il faut adorer comme Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il agrée. Ça passe par le fait de connaître ces conditions, les comportements que comportent ces adhkar, ces ad'iyah. On se doit de connaître cela avant de rentrer dans la citadelle. Fala des portes. Et là, on avait évoqué la semaine dernière deux portes. Al-awwal salim ma'rufa, c'est l'ikhlas fi dinillahi azza wa jalla. L'ikhlas fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. On avait évoqué des adillah qui sont am, qui montrent que la sincérité, elle doit être observée dans la ibadah. Wa kadhalika qala subhanahu wa ta'ala wa du'uhu mukhlisina lahu ad-din. Ça, c'est un dalil qui est propre à la ad-du'a, au sujet dans lequel on traite. Allah azza wa jalla dit dans cette ayah, وَدُعُوهُ, et invoquez-le, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, avec toute sincérité. Donc ça montre que c'est une condition parmi les conditions. Et كَذَلِكَ, on avait évoqué parmi les conditions, المُتَابَهَا. Ça, c'est une chose qu'on doit observer. كَذَلِكَ, on avait évoqué la belle parole de l'imam Cheikh al-Islam rahimahallahu ta'ala بِالْخُلَاصَ, qui dit que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala se doit de se limiter aux invocations et aux du'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué. Ça, c'est plus à même à ce que ça soit accepté. Et inshallah, c'est une garantie de l'égarement, comme elle a évoqué. Parce que l'insan, lorsqu'il s'écarte de la sunna, il est plus à même d'inventer des choses et dire des choses, il pense que c'est une louange, une éloge qu'Allah Azzawajal il aime, fait le haqiqa, c'est une chose qu'il n'aime pas. On a pu évoquer que certains sahaba, ils avaient évoqué des choses sans savoir et ça fait partie du shirk. Masha'Allah wa shirk. Il n'avait pas l'intention d'associer avec Allah Azzawajal, lakin, il a prononcé une parole qui ne se devait pas d'être. Donc dans le suivi, on a une suffisance. Comme il a dit, si jamais la personne elle a une habitude de tout le temps s'écarter des askar et des ad'iyah qui sont rapportés dans la sunna, c'est son habitude, il dit ça, c'est une bid'a. Donc la personne, elle, il pense qu'il se rapproche d'Allah Azza wa Jal, fil haqiqa, il prend de la distance. Donc il faut un suivi. Et c'est clair que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'imam al-muttaqin, l'imam des pieux. Et les du'as qu'il a évoqués, c'est les meilleurs du'as. Tu ne trouveras pas en dehors des du'as qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, meilleurs du'as. Wa khayra hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on se doit de se restreindre à suivre les adhkar et adhiyya qui sont venus dans la sunna, la kilabas, comme il a dit, de temps en temps, tant que tu évoques une dua, il y en a de toi-même, la inshallah, l'insani, il apprend. Il apprend les duas que faisait le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il apprend les adhkar, et lorsqu'il veut invoquer ou bien mentionner Allah Azza wa Jal, il évoque, il le mentionne parce qu'il a été évoqué dans la sunna. Hada huwa al-aslam, naam. Hada huwa tariq al-salama kama qala huwa rahimahullah. On s'est arrêté là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va prendre un troisième catholique à comportement. Catholique qu'on se doit d'observer dans le dua. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَلِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dans ces deux versets, Allah Azza wa Jal nous évoque une condition, plutôt même deux conditions qu'on doit observer dans le dhikr et kadalika dans le dua. Dans le premier verset, il a dit subhanahu wa ta'ala wadhkur rabbaka, rappelle-toi, yani remémore-toi de ton Seigneur, mentionne ton Seigneur, fi nafsika, yani dans ton fort intérieur, tadarru'an avec humilité wa khifatan en discrétion, dun al-jahr sans élever la voix, min al-qawli bil ghudu wal asl matin et soir, wa la takun min al-ghafilin. Il a mis en garde d'être du nombre des étourdis. Donc là, il évoque que le rappel se doit d'être fait de deux manières. Tadarruhan wa khifatan. Avant de rentrer dans cette adhiya de musulman, on se doit de savoir comment on va évoquer ces adhiya du matin et du soir, lorsqu'on rentre à la maison, lorsqu'on sort de la maison, lorsqu'on monte sur les montures. Il y a un adab, il y a un comportement. C'est pas le simple fait de prononcer des choses. C'est pas simplement des hurufs, c'est des grandes valeurs qui se doit d'être accompagné par des grands comportements. Fa'arona, il a dit, tu évoques ton Seigneur d'une manière, pas n'importe comment. Tadarru'an wa khifatan. Avec humilité et avec discrétion. Kazalika dans la dua. Qala ud'u rabbakum. Tadarru'an wa khufyatan. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Implorez votre Seigneur par humilité et discrétion, car il n'aime pas les mu'tadin, ceux qui transgressent. Ça, on va y venir, la transgression dans les... On voit les du'as, les mawani'. Là, on voit l'adab, les choses qu'il faut faire. On va voir aussi kadhalik les choses qu'il ne faut pas faire, les deux. Toute ibada, elle a des shurut et kadhalik elle a des mawani', les choses qui empêchent. Fa'ahuna, on va évoquer une de ces conditions-là qui est at-tadarru', l'humilité. Lughatan, awwalan, at-tadarru', qala al-ulama, Ibn Faris, yani bil-dhat, qui est un grand imam dans le lugha, il a dit, yadullu, ou tilka al-madda, tadullu ala al-lin, ou allinu fi shay. Elle a le sens linguistiquement fi lugha de la flexibilité, de la souplesse, de la mollesse. Qala min dhalika yuqal daraha ar-rajul dara'atan idha dhalla. On dit d'une personne daraha et il a fait preuve d'humilité. Kadhalika taqul rajulun dara'un et qui est da'if, yani qui a de la mollesse. Wa min dhalika les mamelles des chèvres et des ibl. Tu dis, مثلاً, ils s'appellent هذا الضرع. Pourquoi? Parce qu'elle est flexible. فضرع التضرع, c'est tiré de ce mot-là qui a le sens de la flexibilité, de la souplesse, de l'humilité. Ce qui est voulu هنا, dans les deux ayats qui sont de Sourate Al-Araf, les deux, 55 et 205, c'est l'humilité. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وكذلك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة Kilahuma c'est bimana l'humilité. On se doit de adorer Allah Azza wa Jal et le mentionner avec humilité. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala qui m'a fait Bada' al-Fawaid, il nous avoue que cette condition-là, qui est atadarru' l'humilité, elle est shamil. Elle est shamil dans toutes les ibadat. Dans toutes les ibadat, on se doit de faire, on se doit de faire preuve d'humilité. Parce qu'il dit, al-an wad'u rabbakum, il dit ça, c'est du'a mas'ala wa ibadah. Mas'ala, c'est-à-dire on demande, lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jal, on demande avec humilité, et lorsqu'on adore Allah Azza wa Jal, on l'adore kadhalika avec humilité. Et ça, c'est semblable. C'est applicable à toutes les adorations. On se doit d'être humble lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit de se rabaisser face à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allah wal akbar wal a'zam. Naham. Ça demande d'avoir un comportement et d'avoir, yani d'entrer dans ces invocations-là lorsqu'on veut les mentionner, de faire preuve d'humilité, d'être humble, se rabaisser. T'es en train d'appeler Allah Azza wa Jal, t'es miskin, tu n'as rien. Ya Yohannes, antumul fuqara ila Allah. Fa al-faqir, il se doit d'être humble face au rani, celui qui est riche, celui qui donne tout, celui qui donne tout subhanahu wa ta'ala. Cette ayah-là, elle nous montre qu'on doit faire preuve d'humilité, c'est-à-dire que nos membres doivent être absents de toute agitation. C'est quoi l'humilité? Comment on devient humble face à Allah Azza wa Jal? Comment on fait part d'humilité dans al-dhikr wa kadhalika al-du'a? C'est en observant, c'est le fait que nos membres soient absents de toute agitation, de toute gesticulation, ou de mouvement qui n'est pas nécessaire, qui est inutile. Ça, c'est ce qui s'appelle at-tadarru', et c'est un synonyme de al-khudu'. Pour ceux qui ont étudié, ou sur la thalath al-khudu', c'est-à-dire sukun al-jawarih. Que tes membres, observent une tranquillité. T'es pas excité. Et ça repose sur quoi? Sur le khushu'. La concentration des cœurs. Faut que le cœur soit concentré. Afin que les membres soient tranquillisés, il faut que le cœur, kadhalika, il soit concentré. Fala tadarru' illa bi khushu'. Il n'y a pas d'humilité sans khushu', sans concentration. Wal khushu' wa sukun al-qalb. Si le cœur est concentré, il n'est pas agité, il n'est pas éparpillé, fait kadhalika les membres, ils vont être tranquillisés, ils ne seront pas éparpillés, ils seront focalisés, ils seront on va observer sur ces membres-là la tranquillité, la paisibilité. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الا ان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps une chair qui, lorsqu'elle est saine, le corps entier sera sain, et lorsqu'elle sera pervertie, le corps entier sera perverti. Si jamais le cœur il est fi khushu', et ben les membres seront sous fi khudu'. Si jamais c'est pas le cas, il est agité, les membres ils ne seront pas agités. Allah Azza wa Jal nous appelle dans le du'a et dans le dhikr à faire part de tadarru', et ça passe par le fait il y en a d'avoir du khushu', il y en a dans le qalb. Il faut que le qalb il soit khashi'. Sinon, on ne va pas trouver cette humilité dans les jawarih. Donc le zikr, il repose sur cela. Khushu', al-qalb. La perfection, comment arriver au khushu', il y en a fait le qalb. Ça passe par le fait de faire preuve d'ihsan, fil ibadah. Comment l'insan, il est khashi'. Comment son cœur devient khashi'. Ça passe par le fait de l'ihsan, qui est le plus haut des paliers dans le maratib al-din. Al-ihsan, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même expliqué. Qala an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Billah alayk. Al-ihsan, si jamais l'un, il est en face d'Allah, il voit Allah subhanahu wa ta'ala. Quel sera son hal, sa situation? Est-ce qu'on va le voir agité? Est-ce qu'on va le voir éparpillé, regarder à droite, à gauche? Non, il va se concentrer, il va fixer Allah subhanahu wa ta'ala. Fait l'insan, celui qui arrive à atteindre ce niveau d'ihsan, il aura ce qalb qui est khashi'. Et il aura ses membres qui seront khadi', qui seront, plutôt, ils feront preuve d'humilité face à Allah subhanahu wa ta'ala. Fait, qu'on subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an, ça demande qu'on fasse preuve d'ihsan fil ibadah. Que l'insan, lorsque il veut invoquer Allah Azza wa Jal ou bien l'implorer, il se précipite pas directement. Il faut qu'il essaye d'atteindre ce niveau-là de spiritualité, comme si jamais il voyait Allah devant lui. Donc ça demande yani une pas se précipiter, essayer de faire les choses bien afin que ta doha soit acceptée. Si jamais c'est pas le cas, comme قال سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يراك. Sache que lui te voit. Donc toi tu te remémores cela. Tu veux commencer à implorer, à mentionner le nom d'Allah Azza wa Jalla dans les askar, t'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te regarder. Donc il y a une sens, si jamais il arrive à tout le temps se rappeler cela, fil haqiqa, comment on va pouvoir trouver cette personne-là qui sera agitée ou bien qui ne sera pas concentrée? Il aura le khushu' fil qalb et kazalik al khutwa. Faqul subhanahu wa ta'ala, waskur rabbaka fi nafsika tadarru'an. Ça passe par le fait d'avoir de l'ihsan dans l'ibada. Kazalika, parmi les asbab qui aident à arriver à ce stade-là d'humilité dans l'ibada, dans le dhikr, ou kazalika dans le dua, le fait de savoir ce que l'on dit. Comme on a pu voir dans le dars, il y a des précédents, il faut avoir un tafaqquh. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Si jamais l'insan ne comprend pas ce qu'il dit, ou il ignore, comme on a pu voir, les faveurs qu'il y a à travers cela, il est plus à même d'être éparpillé lorsqu'il dit, lorsqu'il parle, ou lorsqu'il mentionne, lorsqu'il fait le dua, parce que c'est, subhanallah, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ignore ce qu'il est en train de dire, il ignore les valeurs de cette parole-là, il ignore, il y a ni le bienfait, les vertus qu'il y a dans ces paroles-là. Donc il ne va pas faire preuve de concentration sur ce qu'il est en train de mentionner. Fahada kazalika, ça fait partie des asbab qui vont nous permettre de pouvoir atteindre ce niveau-là qu'Allah azawajal nous a ordonné, c'est-à-dire d'avoir du tadarru' lorsqu'on fait des askar et lorsqu'on fait des, on implore Allah subhanahu wa ta'ala. L'opposé du tadarru', pas c'est l'axe comme on a pu l'évoquer, c'est le fait d'être agité. T'as muhayyaj, il est agité. Il gesticule dans tous les sens, il regarde à droite à gauche, il n'est pas concentré comme c'est le cas, subhanallah, yani, de certains yani ibad. Tu le vois, il fait askar, il est en train de regarder à droite à gauche, il prend le portable, il touche ses affaires, il touche ses cheveux, il n'est pas concentré. Liesh, parce que son cœur, il n'est pas concentré. Il oublie qu'il est en train de faire une adoration, il oublie que Allah Azzawajal le regarde, il oublie de faire l'effort de spiritualité qui lui permet de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas ces efforts-là. Fil haqiqa, ça c'est plus à même parce que cette dua-là reste dans son larynx. Elle ne monte pas au ciel. Ça c'est une condition qu'on se doit d'observer, qu'on doit faire l'effort afin d'atteindre. At-tadarru', l'humilité. Enfin, s'agiter, ne pas être concentré. Kazalika, yani, ceux qui utilisent des asbab, yani, pour faire les askar, qui ne sont pas légiférés. Comme al-sabbaha. Ça fait, tu vois, subhanallah, il y a des gens qui utilisent le chapelet, je crois, on dit ça en français, sabbaha. Fait le haqiqa, ils s'abbichent et en même temps ils te parlent. Il y en a, ils sont trop forts, ils arrivent à faire les deux en même temps. Ils te parlent et tu vois, ils bougent les boules. Tu te dis, comment il fait, subhanallah, yani, Allah yaqul, ma ja'alallah, li rajulin min qalbayn fi jawfi. Allah n'a pas placé deux cœurs dans le corps d'une personne. Comment tu peux faire le dhikr et en même temps parler à une personne? Fahada, c'est des choses qui, yani, yulhi l'insan, ça le rend, yani, diverti. Enfin, toutes les choses qui vont nous divertir, ça, c'est l'opposé de atadarru'. On se doit d'être concentré, faire preuve d'humilité lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça, c'est un manque de respect, le fait de ne pas respecter cette grande vertu qui est le atadarru'. Naham. الإمام ابن قير رحمه الله تعالى في آخر الآية كما نبي الله الله يجي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إنه كار إن نمبا أدعي الله عز وجل avec humilité et discrétion car il n'aime pas les معتدين فإنه دي الإمام ابن قير رحمه الله تعالى en dédiction de cette آية là قال وفي قوله أنه لا يحب المعتدين. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal qui n'aime pas, lorsqu'il dit qu'il n'aime pas les transgresseurs, qala min al-udwan, et parmi la transgression, an yad'uahu ghayra mutadarri'in. Il dit parmi la transgression qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, et ben le fait qu'il implore Allah Azza wa Jal sans humilité. Donc ça nous montre qu'Allah n'aime pas. Donc si on ne fait pas preuve d'humilité lorsqu'on fait l'adhkar, lorsqu'on fait des du'a, il ne faut pas se plaindre se dire pourquoi les du'as ne sont pas acceptés. Parce que nous, on ne fait pas l'effort aussi pour que nos du'as soient acceptés. Et min dhalika, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jalla avec humilité. Si tu ne le fais pas, il n'aime pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'insan, il se doit de faire tout pour agréer Allah Azza wa Jalla et non pas pour accourir à sa colère. Qala rahimahullah, qala fi qawlihi, annahu la yuhibbu al-mu'tadin, qala wa min al-udwan, أن يدعوه غير متضرع بل دعاء كالمستغني بما عنده. Il appelle, yani, il appelle Allah Azza wa Jal, il le mentionne comme si jamais il n'avait pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le vois, il est peut-être agité, il est un peu éparpillé. Tu ne sens pas qu'il a une nécessité envers Allah, qu'il est pauvre, qu'il a besoin d'Allah. Enfin, celui qui fait preuve de ce genre de comportement-là, Allah il n'aime pas ce genre de dua. C'est de dua qui reste dans le larynx, qui ne monte pas. قال وهذا من أعظم الاعتداء المنافي للدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجموع حالته. Il dit que ça fait partie des plus grandes transgressions dans les du'as. Yani qui sont l'opposé mais total de l'humilité. كما قال المنافي للدعاء الضارع. الضارع c'est celui qui fait preuve d'humilité. الذليل كذلك c'est un synonyme. الفقير qui est pauvre, qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. مسكين من كل جهة من مجموع حالته. فقال رحمه الله قال فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتدي. Et celui qui demande Allah Azza wa Jal sans faire preuve d'humilité et sans yani, mettre en avant qui nécessite d'Allah Azza wa Jal, qu'il est pauvre, qu'il a besoin de lui, qu'il a peur de lui, قال فهو معتدي. Donc ça nous montre que ça fait partie des asam. Ça fait partie des péchés. La parole de l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, c'est dans l'Al-Badaya, Al-Ashfaraid. Ou pour ceux qui ont fait un recueil de certaines de ses paroles, ils en ont fait un tafsir. Ils l'ont appelé Badaya al-Tafsir, l'Ibn Qayyim. Bon, c'est pas lui qui l'a écrit, là, qui nous ont regroupé ces paroles. Moi, j'utilise ce livre-là. Enfin, dans cette ayah-là, dans l'A'raf, mashallah, il a pris un fasl, yani, peut-être presque 20 pages, et il a expliqué ce verset-là. Il nous a évoqué que ça fait partie des péchés, le fait de ne pas faire preuve d'humilité dans les du'as. قال فهو معتدي. Et Allah Azza wa Jal n'aime pas cela. La Bouddha, qu'on observe l'humilité dans les du'as et كذلك dans l'Azkar, بل كما قال رحمه الله dans toute ibadah. Parce qu'il a dit ودعوا ربكم تضرعا وخفيا. Et كما قلنا الدعاء se divise en deux. مسألة ودعاء عبادة. نعم. Qala subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait trois maintenant. Ikhlas, mutaba'a, tadarru'a. Ça c'est important. Il faut retenir ça. Celui qui peut, il fait une khulasa. C'est pas mes paroles. On fait que de transmettre. Ça, Inch'Allah, on retient à la fin, on va se les rappeler. Inch'Allah, lorsqu'on aura tout réuni. Toutes ces conditions-là, tu les mets même devant toi. Même, tu le colles dans Hussein al-Mu'min. Juste avant de faire les du'as, tu te le rappelles de cette parole-là. Pour que tes du'as soient acceptés. Ça c'est le but. Pour que Allah Azza accepte nos du'as, ou sinon, pourquoi on lui demande. قال وخفيا. قال ادعوا ربكم تضرعا avec humilité وخفية كذلك. Une autre condition. La Bouddha qui observe la discrétion. خفية. Car tu implores l'audient, السميع, l'omniscient, العليم, القريب. T'as pas besoin d'élever ta voix. L'omniscient, il sait, subhanahu wa ta'ala, bel avant qu'il nous ait créé. Il sait que tu allais dire cette dua-là. Il est au courant. Donc il n'y a pas besoin d'élever la voix. Il est qarib, subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'élever la voix, quand on élève la voix, en fait, c'est pour yani, informer une personne qui est peut-être yani, qui entend mal. Et en face de toi, tu élèves la voix parce qu'il n'entend pas bien. Ou parce qu'il est loin. Ou bien parce que c'est une personne yani, qui n'était pas au courant. Donc tu élèves la voix pour qu'ils comprennent mieux. Mais Allah Azza wa Jal, il est omniscient. Il est audient et il est qarib subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas une utilité à élever la voix. Abadan. Au contraire, ça fait partie de l'i'tida au fi du'a. Comme on a pu le voir. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Innahu la yuhibbu al-mu'tadil. Il n'aime pas les transgresseurs. Et ça fait partie de la transgression dans l'ibada. D'élever la voix. T'élèves la voix dans les, parce qu'il y a des mawadi', c'est mustahab d'élever la voix. Lorsque tu dis amin, c'est mustahab, d'élever la voix. Kadalika at-talbiya, ma'ruf, yannabi sallam, kana, yarfa'u, sautahu. Il élevait la voix dans la talbiya. Donc les endroits où le prophète a élevé la voix, on élève la voix. Lakin, al-aslu fi du'a, c'est que tu le fasses avec discrétion. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est omniscient. Yanni fil hadith, al-sahih, kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluq as-samawati al-ard bi 50 alf sana. Il a écrit le qadar de tout le monde avant même d'avoir créé les cieux, et ceci 50 000 ans avant cela. Donc il est au courant. Comme قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Tout est écrit. Tout est dans le Lawh al-Mahfouz, il n'y a pas besoin d'élever la voix. Allah Azza wa Jalla, il est au courant de ce que tu vas invoquer, ce que tu vas implorer. Fahada, ça ne fait pas partie du adab, bal, ça fait partie de la transgression fi du'a raf' al-sawt. Ça peut laisser entendre que Allah Azza wa Jalla n'entend pas, il l'ignore. Ça, c'est ce que ça implique. Il ne le dit pas directement, mais ça peut impliquer une personne qui, après qu'on lui explique, il ne faut pas lever la voix lorsque tu fais du'a. Et il le fait quand même. Pourquoi ? فَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ فَفِيهِ شَيْءٍ Allah Azza wa Jalla يقول وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Il n'élève pas la voix, il dit. Il n'élève pas la voix et ensuite lui, il élève la voix. Ça fait partie de la transgression. Ces deux halas ne sont pas acceptés. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا فَهَذَا مِنْ أَدَابِ الْأَنْبِيَاء. Ils évoquent Allah Azza wa Jalla avec discrétion. Les salaf ils avaient comme habitude de ne pas élever la voix, mais plutôt de faire preuve de discrétion dans les du'as et dans le dhikr. Comme l'a évoqué l'imam Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah ta'ala. فَقَالَ لَقَدْ أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا مَكَانَ عَلَى الْأَرْضِ عَمَلٌ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَكُونَ سِرًّا فَيَكُونَ جَهْرًا أَبَدًا وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاء فَلَا يُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ إِنْ هُوَ إِلَّا الْهَمْسُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ. هذا شيء تقال امبورطون ان تفسير الايه قول سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول نوكسم اهل السنه والجماعه وسفلي وسلف هؤلاء السلف كيف كانوا يدعون الله كما يزبلغي الله عز وجل يدمند الله عز وجل ان زيفوك الامام البصري الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى كي في partie des plus grands tabi'i donc il a rencontré les grands tabi'i et certains des petits sahaba comme Anas ibn Malik et d'autres. Il nous rapporte que je n'ai connu aucune personne m'ayant précédé parmi les sahaba et les grands tabi'i. Je n'ai connu aucune personne m'ayant précédé qui, lorsqu'il avait la possibilité d'œuvrer en toute discrétion, le faisait par exhibition. Ça, c'est l'asl fihi. L'insan se doit d'être discret, surtout dans le du'a. Allah l'a ordonné et l'a conditionné. Et قال هو رحمه الله قال ولقد كان المسلمون للسومي يعني للمسلم لبيغت المسلم تام. Nous ayons précédé imploré leur Seigneur sans que l'on entende le son de leur voix. Leur invocation était un chuchotement entre eux et entre leur Seigneur. فَهَذَا هُوَ أَهَلُ السُنَّةِ وَالسَّلَفِ فَكَانُوا كَذَلِكَ. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec discrétion. Ils implorent Allah azza wa jalla avec discrétion. وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بَيْنَ دَعْوَةِ السِّرِّ وَدَعْوَةِ عَلَانِيَةِ سَبْعُونَ ضِعْفًا. Et il dit رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى pour conclure cela, qu'il y a entre le fait d'implorer Allah et Azza wa Jal à vive voix et en discrétion 70 degrés. Yani c'est beaucoup plus aimé auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fait on se doit d'observer ce grand adab qui est la discrétion. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous évoque dans Bada' al-Fawaid, le même kitab que je vous ai évoqué précédemment, la même référence. Il évoque yani, qu'à travers cela, il y a des grandes fawaid, il y a des grands profits. Il en a évoqué 10, rahimahullah ta'ala, ou plus. On va évoquer certains de ces fawaïd-là qui sont relatifs au fait d'être discret lorsqu'on fait les du'a et lorsqu'on fait l'askar. Qala rahimahullah, ahaduha et min al-fawaïd, qala annahu a'zam imanan, li'anna sahibahu ya'lam anna Allah yasma'u du'a'ahu al-khafi. Il dit ça rajoute dans la foi. Ça montre la foi de cette personne-là, la foi qui est bien instaurée dans le cœur de cette personne-là, parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Enfin, il n'a pas besoin d'élever la voix. Ça fait partie de l'aqidah. L'aqidah, annahu ya'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala yasmi' ma khafiya min al-aswat wa ma jahar. Fa hadha ya'isi. Donc il n'a pas besoin d'élever la voix. Ça montre que sa foi est saine à ce sujet-là. Qala thaniha, qala annahu a'zamu fil adab wa at-ta'zim. Wa li hadha la tukhatab al-muluk wa la tus'al bi raf' al-aswat. Il dit ça fait partie. Ça montre, ça montre le respect, c'est une marque de respect et de ta'zim, de glorification. Pourquoi ? Parce qu'il dit, les moulouks, les rois de la vie d'ici-bas, lorsque on ne leur parle pas en élevant la voix. Ils font preuve de respect, ils ne parlent pas, ils ne lèvent pas la voix sur le roi, le président, le ceci et cela. قَالَ وَإِنَّمَا تُخْفَضَ عِنْدَهُمَ الْأَصْوَاتِ. Il baisse la voix devant ces personnes-là. Il a akhad al-kalam qui est à peu près la même chose. Donc, si jamais ce comportement-là, il est observé avec les rois d'ici-bas, avec les présidents d'ici-bas, les gouverneurs d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, huwa malikul amlak. C'est le roi des rois subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit, on est plus, il est plus à même. Fillahi azza wa jalla qu'on marque cette, ce grand respect. Qui est le fait de l'implorer avec discrétion à voix yani basse, yani que tu t'entends toi-même. Il entend. Donc yani, ça fait partie de la, du comportement de ne pas élever la voix lorsqu'on lui demande. Il a fini par cela. La troisième faïda, قال رحمه الله قال أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء. Il dit c'est plus proche des valeurs de l'humilité, de faire preuve de discrétion et de baisser la voix lorsqu'on on implore Allah Azza wa Jalla et on le mentionne. Il dit ça c'est plus proche des valeurs de quoi? De l'humilité, de ce qu'on a pu voir et de la concentration, le khushu'. La shak wa la raiba fi, la personne qui fait ça à voix basse, c'est proche de ces valeurs là qui est at-tadarru. C'est pour ça que même Allah Azza wa Jalla il a évoqué at-tadarru wal khufya fi al-haqiqa, yani c'est les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. قال فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين الذليل كما نبيه. تام. Celui qui est khashi', celui qui est concentré, celui qui s'humilie en face d'Allah Azza wa Jal, il ne peut que lui demander d'une manière dans laquelle, à travers laquelle on ressent qu'il est nécessiteux. Donc ça passe par le fait de baisser la voix. نعم. قال وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء. Et cette martaba là, le fait de avoir de l'humilité et de la concentration, ça passe par le fait de baisser la voix. قال الرابعها, quatrième faïda, قال أنه أبلغ في الإخلاص لا شك ولا ريب فيه. C'est plus à même que tu observes les valeurs de l'ikhlas, de la sincérité. C'est Allah que tu implores, c'est pas les autres. Ils ont pas besoin d'entendre. Contrairement à celui qui va élever la voix dans les moments où le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas fait ça, c'est plus à même de rentrer dans le riya, l'ostentation. قال خامسها أنه أبلغ في جمعية القلب على الله عز وجل في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته. يعني c'est plus à même d'être concentré si jamais tu fais ça à voix basse que le fait d'élever la voix, parce que si tu fais cela il dit tu vas être éparpillé, tu vas نعم ستتعب يعني. قال فكلما خفض صوته كان أبلغ في حمده وتجريده إمته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى. Puis il va faire preuve d'humilité et il va faire preuve aussi de discrétion dans cette dua-là, et plus ça va être à même d'être conforme à l'éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et l'agrée. Qa rahimahullah, le septième. Qala annahu ad'a ila dawam al-talab wa su'al fa inna al-insan la yamil wa al-jawarih la tat'ab bikhilaf ma idha rafa'a sawtahu fa innahu qad yakillu lisanuhu wa tad'uf ba'du quwwah. نعم كذلك. Plus tu vas élever la voix et plus tu vas te fatiguer. Tandis que celui qui va faire preuve de discrétion, il va faire cela à voix basse, à voix avec laquelle il s'entend lui-même, celui-là, il va avoir de l'assiduité que tu n'auras pas, que la personne qui va faire cela à haute voix n'aura pas. Donc ça, c'est arfaq li nafsihi, c'est rahmatallah, كذلك. Il peut continuer, il peut faire plus. Mais celui qui ne observe pas cela, il va se fatiguer, il va yanqati'. قال السابعها نعم بس الثامنها نعم أن أعظم النعم هو الإقبال على الله عز وجل وتعبد له والانقطاع إليه وتبتل إليه. قال ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة. هذا سي مهم جدا. Il dit يعني lorsque tu يعني بالمعنى on va traduire يعني dans le sens lorsque tu implores Allah عز وجل et que tu lui demandes en discrétion, c'est plus à même à ce que tu n'attires pas le regard des jaloux. Al-Hasidin. Parce que ça, il dit, le plus grand des bienfaits, c'est que tu demandes à Allah et à Azza wa Jal, que tu le mentionnes et que tu l'implores. قَالَ لَا نِعْمَ أَعْظَى مِنْ هَذِي نِعْمَ. Donc tu vas trouver des husad. Des personnes qui sont makhzoul, qui sont abandonnées par leurs péchés. Leurs péchés les ont fait, qui sont distants d'Allah et à Azza wa Jal. Il va te voir en train de t'adonner à l'adoration, d'avoir de l'abnégation. Il se peut que son œil, il te regarde avec un œil de jaloux. Il souhaite que ce bienfait, qui est la continuité dans l'invocation, soit interrompu pour toi. Si jamais il ouvre les portes à ce que il attire le regard des jaloux en élevant la voix, mais il faut pas qu'il se plaigne. Il n'a pas observé un comportement qui, si jamais il l'aurait observé, il aurait été, inshallah, à l'abri. Comment s'appelle, du regard des jaloux. C'est un symbole qui te protège de l'œil et des regards des jaloux. Enfin, il y a des fawaïd, kathira, à travers le fait de, d'être discret dans les doha. Au fil hadith al-sahih, fait muslim, lorsqu'ils avaient arrivé dans un wad, ils ont élevé leur voix. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala irbihu ala anfusikum fa innakum la tad'un asam wa la ghaiban innakum tad'un sami'an qariban. Parce qu'ils avaient élevé leur voix bi at-tahlil wa takbir, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit faites preuve de douceur. Irbihu ala anfusikum, faites preuve de douceur. Faites-vous miséricorde. Pourquoi? Parce que tu es en train de te fatiguer, comme on a pu voir dans le point qu'il a évoqué, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Tu es en train de te fatiguer. Et tu n'as pas besoin de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il dit que tu n'es pas en train d'implorer et de mentionner une personne qui est distante et qui n'entend pas. Tu es en train d'implorer l'audient, l'omniscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala al-Qarib. Fahad yani, c'est le fawaid qu'il y a dans le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous. C'est pour nous. Allah azza wa jalla se passe de nous. C'est pour nous. C'est afin que ce que nous faisons soit le plus à même être agréé auprès d'Allah azza wa jalla. Kazalika min al-abwab, parmi les portes qu'on se doit de franchir avant de rentrer au cœur de la citadelle, babu al-khawf wa ar-raja, l'espérance et la peur. Kazalika, ça fait partie des conditions dans l'adoration, hatta pas seulement dans le dua et dans l'askar, lakin dans l'adoration. L'insan se doit d'avoir deux ailes avec lesquelles il vole, comme l'ont évoqué certains des ulama comme l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Qala al-khawf wal-raja, la peur et l'espérance, c'est comme deux ailes. L'itta'ir, c'est comme un oiseau. Yihmilanahu fi tariq al-istiqama, c'est deux ailes qui te permettent de rester droit dans la voie droite. Tam tariq al-mustaqim. Qala fa'in infarada ahaduhuma halakal insan. Si jamais il perd une aile, ou il ne bat que d'une seule aile, l'aile de Ar-Raja, ben il va tomber dans l'amn, mais makr Allah azza wa jalla. Et s'il bat que d'une aile, l'aile de la peur, fahada sayadkhul fi al-qunut min rahmatillah, wa sayahlak. Tam. Kilahuma halikin. Tam. Al-amn min makr Allah azza wa jalla, wa kadhalika al-qanit min rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Fal-insan, il a besoin de ce désel-là, afin de pouvoir planer et d'arriver, qui vont le permettre de s'élever auprès d'Allah. Qui vont lui permettre que ses œuvres soient élevées. Allah yaqul ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib. Fait ces belles paroles qui sont élevées auprès d'Allah azza wa jalla, elles ont besoin de deux ailes. Et ces deux ailes-là sont al-khawf wa ar-raja. L'espérance et la peur. Qal subhanahu wa ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tamaha. Il a évoqué dans un même verset quatre conditions: at-tadarru', al-khufya, al-khifyah, ar-raja' wa al-khawf. Donc on se doit d'implorer Allah azza wa jalla avec humilité, avec discrétion, kadhalika avec espérance et kadhalika avec crainte, avec peur. Lakin, comment on sait qu'on est en train d'invoquer avec espérance ou bien avec crainte? Il faut des choses qui nous montrent cela, qui nous prouvent que vraiment on est sincère, qu'on espère vraiment la miséricorde d'Allah et Azza wa Jalla, et que sincèrement on craint le châtiment d'Allah et Azza wa Jalla. Et ça passe par le fait d'œuvrer en conséquence. Celui qui espère, il œuvre. Celui qui a craint, s'écarte. Qala subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Celui qui vraiment il espère, il doit œuvrer. La ayah montre cela. Wadih. Jiddan. Si c'est pas le cas, ça c'est pas de l'espérance. Ça c'est du kadhib. Comme dans al-hadith, al-ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Al-ajiz est le faux espérant. Man atba'a nafsahu hawa, il suit sa passion, les désobéissances, wa tamanna 'ala Allah al-amani. Allah pardonne-moi, laki, il fait rien pour se faire pardonner. Toujours dans les péchés. Toujours dans le péché. Un pied dans le péché, il lève les mains. Allah, pardonne-moi. Lakin, il n'a pas de regret, il ne fait pas les efforts pour sortir de ces péchés-là. Hada yusamma ajiz, faux espérant. C'est un menteur. Hada yakdib. Yakdib ala nafsihi, la ala Allah. Allah, il n'a pas besoin de lui. قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Allah عز وجل se passe de nous. أنتم الفقراء, c'est nous les nécessiteurs. Implorer Allah عز وجل avec crainte et avec espérance, ça demande d'œuvrer en conséquence de cela. Et ça, on appelle ça al-rahba, pour l'espérance. Ou al-rahba, avec le ha, pour la crainte. Al-rahba, c'est-à-dire, tu espères et tu œuvres en conséquence. Ou al-rahba, tu as peur et tu œuvres en conséquence. Abahwa. Qala l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, qala al-raja thalathatu anwa'. L'espérance est de trois catégories. Qala naw'an mahmoudan wa naw'un ghurur wa mazmum. Deux catégories qui sont louables et une qui est pas louable. Qala fal awwalan, donc les deux catégories qui sont louables. Qala raja ar-rajulin 'amala bi ta'ati Allah 'ala nurin min Allah fa huwa rajin li thawabihi. Celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il espère Allah azza wa jal, il œuvre en conséquence, comme on a pu voir avec l'aya, 'ala nurin min Allah, c'est-à-dire 'ala basira, il n'invente pas de lui-même dans son dîn. Il suit le kitab et la sunna. Qala fa huwa rajin li thawabihi. Cette personne-là, vraiment, il espère la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et ce qu'il demande, parce qu'il œuvre en conséquence. قال ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. Dit la deuxième catégorie qui est louable, c'est celui qui aura fait un péché et qui aura demandé le pardon auprès d'Allah Azza wa Jal afin qu'il le pardonne. Fait dit celui-là, il a espéré la miséricorde d'Allah, son pardon. On va reprendre inshallah après l'adhan, hein. On finit juste cette partie-là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on s'est arrêté sur la parole de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, qui est dans le Madarij al-Salikin. Après, bon, il y a plusieurs tabahins. Al-Muhim, il a évoqué l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, que l'espérance se divise en trois catégories. On a évoqué les deux catégories qui sont mahmouda, qui sont louées près d'Allah et Azza wa Jal. Celui qui œuvre, qui espère la miséricorde d'Allah et Azza wa Jal et qui œuvre en conséquence. Et celui qui aura commis un péché, ensuite il aura demandé le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il aura œuvré en conséquence, il a pris l'asbab pour qu'Allah azza wa jalla le pardonne. Enfin, les deux, ils sont louables. Les deux ont espéré, ils ont fait les causes, ils ont fait l'asbab. Qala as-salis, celui qui n'est pas Mahmoud. Qala as-salis, rajul al-mutamadin fit tafrit wal khataya. Personne qui a la négligence. Fit tafrit wal khataya. Il fait des péchés, il ne demande pas le pardon auprès d'Allah azza wa jalla. قال يرجو رحمة الله بلا عمل. Il espère la miséricorde d'Allah عز وجل sans œuvrer, sans œuvre. قال فهذا هو الغرور وتمني والرجاء الكاذب. Il dit ça, c'est la fausse espérance, c'est le mensonge. C'est le tamanni, il souhaite, lakin il ne fait pas les efforts. فالله سبحانه وتعالى nous demande d'avoir le comportement qui correspond. Tu demandes le Jannah, tu demandes de voir Allah عز وجل يوم القيامة, tu demandes les faveurs d'Allah سبحانه وتعالى, œuvre en conséquence. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بِشَرْط. Allah Azza wa Jalla nous dit, lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, إِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. بِشَرْط لَكِمْ, avec une condition. قَالَ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, il a évoqué deux conditions. الْإِسْتِقَامَة والإيمان بالله عز وجل حسن العقيدة فليستجيبوا لي كذلك. Lorsque je l'appelle à la salat, il faut qu'il réponde. Lorsque je l'appelle à s'acquitter de la zaka, il faut qu'il réponde. Lorsque je l'appelle à faire le siyam, il faut qu'il réponde. كذلك هو كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. On doit répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala si on veut que lui nous réponde. Comme dans le hadith وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يدي إلى السماء, il demande à Allah عز وجل يا رب يا رب مطعمهم ومطعمهم حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Comment il espère qu'il sera exaucé? Il demande, quand on lui répond, il ne répond pas lui. مطعمه, sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il se nourrit du haram, et en plus de cela, il veut qu'on lui réponde. Al-insan, lorsque son ami l'appelle, il répond. Lakin, lorsque c'est Allah, il ne répond pas. Hala, il ne faut pas après espérer qu'Allah Azza wa Jal, il réponde à nos appels. Il réponde à nos requêtes. Fahala kazalika. Hala, c'est une condition qui est énorme. Qui est l'istiqama. Al-insan, il se doit d'être mustaqim. كما قال جل وعلا فاستقيم كما أمرت sois droit comme on te l'a ordonné. Si jamais tu veux que Allah Azza wa Jal te réponde, il faut répondre. Kadhalika, c'est la buddhamin. Enfin, la buddhamin al-istiqama fi dinillahi Azza wa Jal. Fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Hada huwa al-khulasa fi dhalika al-dars. Donc, on a pris aujourd'hui quatre comportements. Le premier, at-tadarru', l'humilité, qui passe par le fait de al-khushu', la concentration des cœurs. Et il y a des causes pour cela. Al-ihsan, savoir qu'Allah te regarde. Faire les causes pour que tu voyes Allah, afin que tu sois concentré. Et que tes membres aussi, kadhaïka, sont concentrés, soient tranquillisés. On a vu la deuxième condition qui est al-khifya, qui implore Allah Azza wa Jal qu'il le mentionne avec discrétion. Dans les moments où il est demandé qu'il fasse ça avec discrétion, comme on a pu le voir. Là, on a pu voir ça. C'est akhlas lillahi Azza wa Jal, c'est plus sincère. Il ne va pas se fatiguer, il aura de la continuité, il ne va pas s'attirer le regard des jaloux. Ça montre sa foi, sa croyance qui est bonne et qui est saine vis-à-vis de l'iman billahi azza wa jal, de sa proximité et du fait qu'Allah azza wa jal c'est l'audient, as-sami'. Il a évoqué les fawaïd. Troisième condition, l'espérance. Donc tu œuvres en conséquence. Kadhalika al-khawf. On demande à Allah azza wa jal le refuge de l'enfer, kadhalika, on fait les causes. Il demande le refuge, lakin ya'kul ar-riba, yasubb an-nas, yaqtul an-nas, yasraq an-nas, il vole les gens, il fait ceci et cela. Fa'ada, yani, il a pas peur, fa'firru ila Allah, la hada ma, il a pas fui vers Allah Azza wa Jal. Fa'ada, il a pas fui vers Allah, il a fui vers Shaitan. Donc celui-là, si jamais il invoque, il a pas invoqué comme Allah Azza wa Jal l'a demandé. Il a pas invoqué comme le faisait as-salihin min al-anbiya wa ghayrihim. Qala subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ils sont pressés dans le bien. وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ. Et ils nous ont imploré avec espérance et avec crainte. Et c'est-à-dire, ils œuvraient kadhalika en conséquence. Donc ça, c'est quatre conditions à rajouter aux deux conditions qui est الْمُتَابَهَ وَالْإِخْلَاصِ. نَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِمَا سَمِعْنَا وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته